Congolaise, on m'appelle Julie. J'ai 14 ans. Je suis née à Paris, dans le 3e arrondissement. Je suis française. J'aime la musique, j'aime lire surtout les romans policiers. Et j'aime aussi les cours d'allemand et d'histoire géo. Je n'aime pas les maths, manger à la cantine, porter des robes.